Oui. Follow the Mosca. J'ai les paroles. J'y vais demain. Oui, déjà, il faut que je parte au départ. Attention, le train pour... Take me to the magic. 3. Take me to the magic of the morning, of the glory night, where the shadow of tomorrow dream away in the wind of change. Take me to the magic of the je vais à la douche. Faut que j'aille me doucher. Je suis rentré trop tard, putain. Bah ouais, je travaille trop, bordel. Pour gagner quelques sous.